Un invité, une liste de 10 morceaux de musique, une heure pour en parler, c'est La Liste, une émission de radio diffusée par Campus FM, présentée par Joe Kangourou, réalisée et mise en onde par Thomas Delafosse. Et la liste d'aujourd'hui est celle de... Thomas le Flegmatique. Chaque jour est le dernier, chaque jour est le premier, chaque jour est le dernier, petit pionnier. Dans la lumière intense, les peupliers t'attendent. Dans la lumière intense, les peupliers t'attendent. Brûler mon âme. Certains souvenirs sont plus durs à fondre que le titane. Dans la lumière intense, les peupliers t'attendent. Ce que tu fais avec ta langue, c'est le yin et le yang. Et ma mémoire au fond d'un puits. Savoir d'où je viens ne m'a jamais amené que des ennuis. Dans la lumière intense, les peupliers t'attendent. Ce que tu fais avec ta langue, c'est le yin et le yang. Bonsoir Thomas Boudinot. Bonsoir. Nous avons devant nous, Thomas Boudinot, une heure pour essayer de comprendre comment vous en êtes arrivé à devenir le Flegmatique, cet artiste pétri de folk et de pop, aux compositions alanguies et pourtant tendues, et annonciatrice d'orages prêts à claquer, chanté d'une voix nonchalante, voire paresseuse, qui évoque parfois celle de Jean-Louis Murat. Une heure pour parcourir un chemin buissonnier allant d'Albi, la ville où vous êtes né, à Bedouce, petit village de la vallée d'Aspe, où vous êtes maintenant installé, en passant par l'Écosse du Massif central, Saint-Étienne et les Cévennes. Au début, vous êtes né donc à Albi, au début des années 80, ville où vous avez appris le trombone au Conservatoire de musique du Tarn. Au début des années 2000, vos premières chansons que vous qualifiez de tendrement burlesques, que vous chantez en français, vont vous faire gagner quelques tremplins et autres scènes ouvertes. fan de Catherine, de Dominica, de Mathieu Bogarts, mais aussi de Mogwai et de Grandaddy. Bonjour la schizophrénie. Vous rejoignez ensuite The Hidden Tracks, le collectif qui accompagne sur scène et sur disque Michael Motet, dit Angel, tout en travaillant comme disquaire chez Harmonia Mundi Paris, ou alors dans une galerie d'art contemporain. Dans The Hidden Tracks, vous y jouez du trombone et vous en serez membre jusqu'en 2014, date à laquelle Angel and the Hidden Tracks décide de mettre un terme à cette histoire. Depuis, vous vous êtes découvert une âme de chanteur en essayant, dites-vous, de reproduire certains morceaux de Radiohead en bossa nova. Vous avez enregistré 4 albums sous votre nom. 4 albums repérés très vite par la critique. Le 4e album, Le Jour, La Nuit, Le Jour, dont nous venons d'écouter Le Yin, Le Yang, est sorti à l'automne dernier. Et si les programmateurs radio vous découvrent aussi très vite, vous faites ainsi partie de la playlist de FIP ou de Inter pendant assez souvent. On vous doit aussi l'enregistrement d'un album de musique improvisée, vous au trombone et Gilles Deleuze à la guitare. Un parcours vagabond où la ligne de fuite semble un objectif à atteindre, l'observation moyenne d'écrire et le détachement un art de vivre que nous allons arpenter pendant l'heure qui vient à partir de la liste de 10 morceaux que vous nous avez amenés ce soir, Thomas Boudinot. Prêt pour le petit décompte qui va lancer cette liste ou quelque chose à rajouter avant? Non, prêt, intrigué. Très bien, et bien 4, 3, 2, 1, c'est parti. Dans les poulaillers d'acajou, les belles basses-cours à bijoux, on entend la conversation de la volaille qui fait l'opinion, qui disent on peut pas être gentil. Y a une sélection, c'est normal, on lit pas tous le même journal. Mais comprenez-moi, c'est une migraine, tous ces campeurs sous mes persiennes. Mais comprenez-moi, c'est dur à voir quels sont ces gens sur mon plongeoir. Dans les poulaillers d'acajou, les belles basses-cours à bijoux, on entend la conversation de la volaille qui fait l'opinion. Ils disent on peut pas. Et cette liste s'entame avec ce poulailler song de Alain Souchon dans un de ses premiers albums. Pourquoi ce morceau en début de votre liste? À vrai dire, pardon. À vrai dire, c'est un 45 tours que m'avait offert mon père. Mon père me donnait beaucoup de musique. Mes parents se sont séparés, j'étais très, très, très petit. Et mon père, voilà, peut-être pour que je pense à lui souvent, mais en tout cas, il était un peu mon dealer de musique. Il me passait plein de 45 tours. J'avais un manche disque rouge, comme ça, dans lequel je mettais mes 45 tours. Et c'était une de mes chansons préférées. Elle me faisait rire, elle me faisait peur aussi un peu, parce qu'après, on entend les poules, c'est à moitié psychédélique. Mais j'adorais, il y avait une ambiance, un truc fou quoi. Quel âge quand vous écoutiez ce morceau? Ouais, je sais plus, je devais avoir 4 ans, à partir de mes 4 ans, ouais. Mais ça me faisait danser en fait, c'était... Ouais. Vous dites que votre père était votre dealer de musique, c'est vite oublié aussi votre mère qui, pour la musique, était pas mal aussi. Alors oui, ma mère, j'ai eu la chance en fait que ma mère travaille en bibliothèque départementale. Et en bibliothèque départementale, quand ils ont commencé à ouvrir des rayons disques, à faire une médiathèque, tout simplement. Ma mère s'est postulée et du coup, elle était au disque. Et là, elle a commencé à ramener des disques de fous à la maison. Et mon frère, qui était bien plus grand, je viens d'une fratrie où je suis vraiment le tout petit dernier, mon frère qui était bien plus grand, aidait un peu ma mère à faire les acquisitions. Mais lui, il était très cold wave et tous ces groupes un peu flippants des années 80. Donc, il lui faisait acheter des trucs que je pense qu'on met au rebut aujourd'hui. Voilà, que les Tarnais n'allaient pas forcément y chercher à la médiathèque d'Albi. Non, ni les Tarnais, puis qu'aujourd'hui on traquerait pour éthiquement un peu douteux. Voilà, ils sont à 1 euro dans les bacs à disques. L'ambiance musicale dans la famille Mon père est vraiment pétri des années 70. C'est vraiment un boomer, quoi, comme on dit aujourd'hui. Et c'est quelqu'un qui a grandi avec Dylan, avec les Rolling Stones, avec Neil Young. Et c'est quelqu'un qui écoutait très peu de français, à part... alors Brassens, non, par exemple, c'était quasiment presque interdit à la maison. C'était vraiment anglais, à part Yves Simon, parce que l'art du voyage... et Gérard Manset aussi un peu, mais les albums de Gérard Manset après la période prog un peu rock complètement folle que j'ai découverte moi bien plus tard, mais voilà, Manset et Simon c'était les seuls francophones qui avaient le droit de citer chez mon père, chez votre père. Ouais. Et du côté de votre mère, ma mère était un peu plus Higelin, Colette Mani, des voix comme ça, mais en fait elle aussi un pied quand même de l'autre côté de l'Atlantique, parce que très rapidement, Tom Waits. Mmh. Beaucoup, ouais. Beaucoup de disques de Tom Waits traînaient à la maison, mais je trouve que Higelin, Tom Waits, on n'est pas très très loin. Oui, peut-être moins blues, Higelin, quoique sur le départ, mais on va en parler tout de suite. Tom Waits, vous en parliez il y a deux minutes comme étant une des musiques que vous avez amené votre mère. C'est donc elle qui vous a fait découvrir cet artiste majeur qu'on entend là dans un morceau qui date des années fin des années 80, début des années 90, à cette époque où il avait formé cet orchestre étrange fait de briques et de brocs. La batterie était autant jouée sur des tomes classiques que sur des casseroles. Il se ferait arrêter par Macron maintenant, Tom Waits, s'il jouait sur scène. Il y avait ce son aussi discordant des cuivres. Mais c'était une ambiance très, très particulière, le Tom Waits de cette époque-là, qui était pas sans évoquer les cabarets du Berlin des années 30. Complètement. Cabaret des glingues. Et alors, ma mère m'a pas fait découvrir Tom Waits directement. C'est pas, contrairement à mon père, voilà, elle était pas vraiment dans ce truc de transmission presque. J'étais un enfant qui avait du mal avec les autres enfants. Je détestais aller au centre aéré. Et du coup, on avait un deal avec ma mère. Je restais sagement à la maison, mais je n'allais pas au centre aéré. Mais par contre, je touchais à rien à la maison, à part à la platine CD. Et donc voilà, il y avait ces disques qui traînaient, et un jour, mercredi après-midi, j'en avais marre de regarder le Club Dorothée et le Jackie Show, et je me suis levé, j'ai trouvé ce disque sur la platine avec des gueules pas possibles, j'ai mis le disque de Tom Waits et je me suis mis à danser comme un fou parce qu'il y a une énergie de dingue. Le saxophone est ahurissant sur ce morceau. Et vraiment, ce que tu dis est très juste. Ouais, cette espèce d'orchestre déglingué d'un Berlin qui s'effondre des années 30 et en même temps, côté Las Vegas, baroque et branquignol. Tout est joué, en fait. Tout est jeu, tout est matière à faire presque rire. Et en même temps, c'est de la bonne musique. Il y a Marc Ribot à la guitare. On est dans du blues de fou, enfin, c'est inventif, c'est cubiste, c'est complètement dingo, quoi. Et ça marque quand on est un jeune garçon qui a du mal avec ses copains? Ouais, en fait, ça aide à créer un monde à soi. Et on se dit que dans ce monde à soi, on n'est pas tout seul. Et que ce monde est riche, en fait. Que ce monde est non pas riche de ce qu'on en fait, nous, mais riche de peuplé de personnages, en fait, comme ça. Qui... Alors, je sais vraiment pas du tout pour me comparer, mais je pense à une anecdote que dit Bob Dylan dans les chroniques. Dans les chroniques qu'il a écrites, il dit qu'à 20 ans, il était tellement, ou même à 17 ans, je crois, ou 16 ou 17 ans, il était tellement pétri de folk music que les seules personnes qu'il connaissait vraiment ou dont il connaissait l'histoire, c'était Joe Henry, enfin tous les personnages des chansons folk, et que pour lui, c'était comme l'Odyssée d'Homère. C'était des personnages qui étaient réellement vivants, ils n'étaient pas juste dans des bouquins. Et moi, j'avais l'impression que Tom Waits, bon, qui était réellement vivant, mais j'avais l'impression que je pouvais dialoguer avec lui, en fait. Et je comprenais, je crois que je comprenais ce qu'il voulait faire et tout, mais c'était mon monde un peu de féerique. L'idée de faire de la musique est arrivée très tôt. Ouais. Ouais. Pas forcément. En fait, je pense que j'ai dû avoir l'idée de mon premier album à 5 ou 6 ans. Et il paraît qu'à 8 ans, j'ai dit que je voulais être écrivain dans une chambre d'hôtel à New York. Ouais. Ah ouais, ouais. Le Chelsea, peut-être. Ouais, j'avais dû entendre parler de Paul Auster ou quoi. Mais oui, oui, l'idée de faire comme ces gens que je trouvais sur le buffet de ma mère où il y avait la chaîne IFI. C'était la direction était par là. Moi aussi, je voulais. C'est pas que je voulais moi aussi avoir mon objet ou mon truc, mais je voulais créer ce monde-là pour que parce que je sentais qu'il y avait une énergie qui devait s'y écrire, s'y transcrire. Ouais, donc je jouais beaucoup de air guitare avant l'heure. Ouais, vous jouiez de l'air guitare, mais c'est le trombone que vous choisissez comme instrument. Ça, c'est quand même particulier, parce qu'effectivement, on aurait pu s'attendre à la guitare en étant pétri de folk ou de rock des années 70 avec cette transmission paternelle. La guitare aurait été le plus logique. Et bien, bizarrement, ouais, c'est presque comme si Tom Waits l'avait emporté, donc plutôt le côté maternel l'avait emporté. Mais à 9 ans, 9-10 ans, à l'école de musique, donc je n'avais pas encore choisi d'instrument et je ne savais pas. Je pense que j'avais déjà des problèmes avec le fait de faire des choix. Et le prof de trombone est arrivé dans le cours de solfège et a interrompu le cours de solfège en disant « Bon, mais écoutez, moi j'ai un problème, je n'ai pas d'élèves dans ma classe de trombone. Et donc je vais vous parler du trombone à coulisses. » Et là, il commence à jouer et je ris, je me mets à rire. Littéralement, je tombe sous la table pour mourir de rire. Et donc, tous les autres camarades étaient impassibles. Et moi, vraiment, cet instrument, enfin, je sais pas, ça avait déclenché un rire. Et donc, il m'a montré du doigt. Il a demandé à la prof de solfège, Cathy. Il a dit, je peux te le prendre pendant une heure? Et donc là, en plus, non seulement ce mec me faisait rire, mais en plus, il m'arrachait au cours de solfège pendant une heure. Il me sauvait. C'était mon Indiana Jones, mon héros. Et donc, il m'embarque en cours de trombone. Et là, j'essaie l'instrument. Et voilà, c'est un instrument avec lequel j'ai un rapport aujourd'hui un peu, pas conflictuel, mais je l'oublie. Parce que maintenant, je joue beaucoup de guitare. Mais quand je le reprends, comme ce week-end, là, il y avait une fête chez des copains. J'ai pris le trombone. On a joué jusqu'à 3h du mat. C'était génial. Qu'est-ce qu'il a de particulier, cet instrument? Il n'est pas facile à jouer. Faut vraiment avoir une sacrée dextérité pour trouver la note juste, ne pas déraper. J'ai vu une vidéo il n'y a pas longtemps, vous savez, ces vidéos qu'on voit en scrollant sur Instagram, sur Gram. J'ai vu une vidéo d'Eric Clapton dans une interview comme ça, qui fait une espèce de solo de guitare devant l'intervieweur, comme si on était, voilà, comme avec vous. Et il joue son solo comme ça, et il dit, vous voyez, ce solo, il vient pas de nulle part. That's me singing. C'est moi en train de chanter. Et effectivement, je me suis dit, le trombone, c'est exactement la même chose. Quand je joue du trombone, c'est moi qui chante. C'est du chant. Je pense que c'est presque pareil avec le violoncelle. C'est des instruments dont les tessitures sont très proches de la voix humaine. Et en fait, on peut jouer avec, enfin, c'est un truc de fou, on peut barrir avec, on peut aller chercher des notes complètement folles, on peut aussi aller dans les aigus, tout ça, c'est une espèce de chant augmenté, comme on dirait aujourd'hui. et délirante. C'est une version délirante de vous, en fait, de votre voix. Et je pense que c'était ça qui me plaisait, ouais. Et en même temps, extrêmement sentimentale et romantique comme son. Et peut-être l'instrument qui incite tout de suite à jouer en groupe. On ne se voit pas monter un répertoire chanson simplement accompagné par un trombone. Il y en a, quelques-uns qui l'ont fait, mais enfin, c'est assez rare. Donc il y avait cette idée aussi de jouer en groupe qui était dans cette envie de jouer du trombone. C'est venu tard, mais pas si tard que ça. Il y avait un big band à l'école de musique. Qui était tenu par qui avait été monté par un prof de saxophone, un saxophoniste. Et il y avait, avec moi, on était les deux cadets, les deux plus jeunes, un jeune copain de l'école de musique qui avait choisi, lui, la batterie. Mmh. Et qui s'éclatait à la batterie, et c'était Julien Barbagallo. Et donc, lui, il était à la batterie et moi au trombone à l'école de musique d'Albi et au big band. Et ouais, c'était génial. Mmh. C'était... Depuis Barbagallo, après un passage par Aquaserge, est parti sur des terres australiennes avec Time Impala, si je me souviens bien. On va rester, tiens, deux secondes à Albi. En préparant cette émission, je me disais, il y a quand même quelque chose, je ne sais pas si c'est les tripousses qui font ça ou quoi, mais Albi, c'est la patrie d'Olivier Cussac, un musicien qu'on a connu beaucoup à Toulouse comme étant le taulier du studio Condorcet. Mais Albi, c'est Julien Gasque, même s'il vient plutôt de Castres, il allait faire Brassac, dans le Cidobre, et il est quand même allé faire ses études à Albi. C'est Barbagallo, c'est vous. Il y a quand même une tradition autour de la pop musique qui est drôle à Albi. Ça vient d'où, ça? Et encore, il y a plein d'autres musiciens de notre génération, enfin de ce moment-là. Mmh. C'est vrai qu'on était nombreux à jouer de la musique. Il y avait un magasin de musique à Albi qui s'appelait Albi Musique, qui était tenu par Daniel. Qui nous vendait des guitares. Il y a eu un gros moment en musique et je pense qu'on en avait tous un peu marre d'écouter à la fête de la musique toutes les reprises de Téléphone et de Toto. Tout le monde adorait Toto, tout ça. Et je pense qu'on a voulu donner notre propre version du truc. Et on avait quoi, 15-16 ans en 95 quand on éclatait Oasis, Pulp déjà depuis quelque temps. J'allais dire Nada Surf, mais je pensais surtout, j'ai oublié leur nom là, le groupe de Damon Albarn, qui était un peu la guerre avec Oasis. Blur, tout ça, et donc on écoutait tout ça. Alors Julien, lui, était fan de Phil Collins à l'époque, je ne crois pas trahir de secret, et moi de REM. Et donc du coup on voulait tous un peu jouer notre truc, et effectivement, donc on avait les copains qui jouait avec une extrême concentration des solos de blues, qui voulait faire du Stevie Ray Vaughan, ou des solos de Toto, Pink Floyd, et voilà tout ça. Et nous, on avait tout de suite une oreille plus anglaise, je pense, plus attirée par tout ça. Et c'est vrai que quand Julien... Alors moi, j'avais quitté Albi à ce moment-là, parce que j'ai fait mon lycée, je suis allé retrouver papa à Toulouse, et Julien lui est resté à Albi, et là, ils ont monté pas mal de groupes de pop, notamment un premier groupe qui s'appelait Followé, avec Olivier Cussac, et bon, voilà, eux, ils se sont vraiment fédérés, moi j'étais parti, eux, ils se sont fédérés en groupe de pop, et ils ont vraiment commencé à s'habiller très pop, avec des vêtements... Bariolé, extravagant, pour les, et assez psychédélique, quoi, pour l'époque. Et quand moi je me cherchais à Toulouse dans des groupes de reggae. Très bien. Mais avant le reggae, vous écoutiez aussi ça. Dusk is dawn, stay. Where did it go? I've been laughing fast and slow, moving in a still frame, howling at the moon. Morning found me laughing up and down. Low, low. Night suits me fine. Morning suits me fine. toujours en avance de 3-4 minutes. Il y a 2 secondes, vous parliez de REM. Les voilà. REM, groupe américain de Assen, en Géorgie. On l'a tellement lu dans les articles, leur localisation, que c'est resté gravé dans ma tête. REM, pourquoi ce groupe-là ? En fait, mon père m'a emmené en voyage aux États-Unis en 91, donc j'avais 11 ans. Et c'est l'année de la sortie de Out of Time. Et on était sur les routes, donc voilà, on a loué une voiture là-bas. Et on faisait beaucoup de kilomètres. Et on allume la radio et on tombe sur cet album. Alors, pas sur cette chanson, mais sur le tube qui était Losing My Religion. Ouais. Et on a eu le même effet. Mon père et moi, on s'est dit, mais c'est quoi cette musique? D'où elle sort? C'est incroyable. Lui connaissait pas REM alors qu'ils avaient sorti déjà pas mal d'albums. Ouais, 3-4 albums avant, ouais. Et donc, on découvre ça, on passe chez un disquaire américain, on achète l'album et bim, dans l'autoradio. Et c'était parti. Et alors cet album est extraordinaire, évidemment, est assez génial. Mais ce morceau-là m'a particulièrement marqué. Je sais pas, il y avait quelque chose dans l'ambiance que je trouve très sud, très, très collante, très pégueuse, un peu. Alors évidemment, à 11 ans ou 12 ans, j'ai pas identifié tout ça. Mais aujourd'hui, c'est vraiment une ambiance que je retrouve chez les auteurs de littérature américaine, que ce soit Tennessee Williams, tout ça, on retrouve cette espèce de l'ambiance poisseuse là, du Mississippi, de la Louisiane, il fait trop chaud. C'est génial. Vous avez été marqué par le blues ? Mon père écoutait beaucoup de blues, et oui, ça m'a marqué, mais je pense que tout ça, c'est des musiques qui passaient à la maison. Sans que j'y fasse vraiment attention. Après, c'est venu par des compiles, je pense quand j'avais 16-17 ans, ou ouais, par là. Pareil, qui traînaient à la maison, probablement chez ma mère aussi, des compiles où tout d'un coup, je découvrais un truc en me disant « mais ça, c'est génial ». Et j'allais voir mon père le week-end à Toulouse, et je lui disais « mais ça, tu connais ?» Et bam, il me sortait la discographie complète. La discographie complète, 15 vinyles, genre « depuis le temps que j'attends ce moment, petit !» Et voilà, il me sortait les trucs, et là, j'ai commencé à écouter ouais, Robert Johnson, Sonny Terry, Bronnie McGee, tout ça, et c'est des gens que j'écoute presque encore plus maintenant, en fait. Mmh. Et peut-être que plus je vieillirai, plus je continuerai à écouter ça. Et il y a une phrase géniale, je fais des digressions tout le temps, pardon, une phrase géniale que j'ai lue à la sortie du dernier album de Bob Dylan. Il a dit « Robert Johnson était à l'époque si en avance sur son temps qu'on ne l'a toujours pas rattrapé aujourd'hui. » Et je trouve ça génial, notamment dit par Dylan, qui est le mec qui a tout bouleversé dans la musique. Et preuve d'une grande humilité chez lui. Lorsque vous avez 16-17 ans et que vous découvrez ces musiques-là, la musique en groupe, à part le big band du conservatoire du Tarn, c'était quelque chose que vous pratiquiez. Il y avait des groupes de collège, des groupes de garage qui commençaient à se monter avec les copains. Le rock se jouait là aussi ou pas encore ? On a monté notre premier groupe avec Julien. Ah oui, donc, toujours Barbagallo. Ouais, Barbagallo, antérieur à l'époque dont je parlais tout à l'heure. Pour ceux qui ont suivi l'émission depuis le début, on a monté notre premier groupe en 6e. Donc moi au synthé, lui à la batterie. Les paroles étaient de haute voltige. Et c'était un peu barge, ouais, c'était un peu déjanté. Sinon, oui, les groupes sont venus plus tard en fait. Mais à Albi, on est trop occupés à boire des bières. Pour faire de la musique. Ouais, ouais. Et à suivre les aventures du club de rugby local. Oui, qui à cette époque-là était en Division 1. Oui, je crois que c'était ça. Voilà. Je ne voudrais pas remuer le couteau dans la plaie. Allez, prochain morceau. And who by fire, who by water, who in the sunshine, who in the nighttime, who by high ordeal, who by common trial, who in your merry, merry month of May, who by very slow decay, and who shall I say is calling? And who in a lonely slip, who by barbiturate, who in these realms of love, who by something blood, who House of Love, Who by Fire, une reprise de Leonard Cohen dans cette compilation qui est devenue mythique. Cette compilation montée à l'initiative du magazine Les Inoccupables, qui avait demandé à des tas de groupes de l'époque. Il y avait Geoffrey Auriemma aussi dans cette compile-là. Jean-Louis Murat. Jean-Louis Murat faisait aussi une version. Il y avait tous les groupes, Payfontaine et compagnie, tous les groupes qu'on retrouvait dans les pages des In Rock de ces années-là. Et donc, à la gloire de Leonard Cohen, je me souviens que cette compilation avait été précédée par une longue interview, comme les In Rock le faisaient à l'époque, où Cohen avait reçu le journaliste dans son espèce de retraite bouddhiste juste au-dessus de Los Angeles, à une époque où il venait de se rendre compte qu'il avait été ruiné par son manager. Il n'avait plus un sou. Il s'était retiré dans les montagnes californiennes pour prier Bouddha. Et cette compile était sortie à ce moment-là. Et vous dites que c'est cette compile qui vous fait découvrir Cohen. Oui, alors c'est cette compile, ce disque. Donc pareil, alors là vraiment, un disque trouvé sur la plateforme chez ma mère, il était 14 ans, j'avais 14 ans. Et le soleil venait de se coucher. et je trouve ce disque, et là je crois que c'est en fait le disque qui m'a fait rentrer dans, pas dans l'âge adulte, c'était un peu tôt quand même, mais vraiment dans l'adolescence, et dans une espèce de phase adulte de l'adolescence, quoi. C'est-à-dire que là tout d'un coup j'ai découvert de la musique, de la haute voltige, de la belle musique, de la grande musique profonde. J'ai compris, je pense, à ce moment-là, que je ne serais jamais un virtuose et que je m'en foutais, et que ce qui m'intéressait, c'était avant tout les climats, les ambiances et la construction d'un univers. Et alors là, j'étais servi. Et ce qui est génial avec les compiles comme ça, alors là, en plus, celle-là, elle est vraiment de grande qualité, c'est que du coup, c'est une cartographie qui s'ouvre. Vous pouvez aller chercher chaque groupe, chaque fil, et donc vous vous rendez compte qu'il y avait un morceau de Nick Cave aussi dessus. Il y avait Bill Pritchard, Il y avait Ian McCullough de Echo and the Bunnymen, tout ça. Et donc, vous allez écouter d'autres choses de ces groupes-là, tout vous plaît pas. Donc, vous revenez à la compile, vous allez chercher quelqu'un d'autre. Il y avait REM aussi, il y avait Lloyd Cole, qui sera très important pour moi aussi après. Donc voilà, on est en 94, et évidemment, je vais à la racine du truc. Donc là, pareil, je vais chez Popo, je lui amène le disque, je dis « mais tu connais ça ?» Il me fait « bah oui », et là il me sort tous les albums de Leonard Cohen, et je commence à plonger un par un, « Songs from a Room », tout ça, jusqu'à ce qu'il m'offre, ou lui ou quelqu'un d'autre, je ne saurais jamais qui, d'ailleurs, m'a offert un « Greatest Hits » de Leonard Cohen, que tout le monde a chez soi, je crois. Oh ben oui, avec Suzanne, plein de morceaux. Et là, c'est devenu ma petite cassette fétiche. Donc, on écoutait encore des cassettes à l'époque, que j'écoutais tout le temps, partout, dans Walkman et tout, machin. Et pareil, c'était une façon, quelque part, le monde réel ne m'attirait pas trop, ne m'intéressait pas trop. Et par contre, quand je plongeais dans cette cassette, alors là, j'étais dans un univers quasiment mythologique, quoi. On comprend les paroles à 14-15 ans lorsqu'on tombe sur Cohen. Eh bien justement, c'est ce qui m'a fait plonger dans l'anglais. C'est que je voulais absolument comprendre ça et les paroles d'REM aussi. Et donc j'ai commencé à plonger dans les textes. Et c'est là que les cours d'anglais me sont apparus comme beaucoup plus importants que jusque-là. Et oui, on commence à comprendre. Et bon, si on ne comprend pas exactement de quoi il est question, l'atmosphère est tellement forte que vous captez quand même quelque chose de tout ça, vous captez l'ambiance, la couleur, le truc, et puis c'est des chansons qui vieillissent avec vous. C'est une musique qui vous amène aussi au folk ? Oui, je pense, même si à ce moment-là, je ne le définis pas comme ça, enfin je ne l'identifie pas comme ça, mais oui, sûrement, ouais. Sûrement, ouais, peut-être. Je ne m'étais jamais posé la question. En tout cas, c'est une musique qui m'amène à de la musique pas forte, acoustique, des arrangements épurés, Et je me dis, là, c'est l'essentiel. La plupart de mes potes écoutaient Korn, NoFX, et alors pas Julien. Julien, lui, il écoutait Phil Collins et il commençait à plonger dans Oasis. Mais les autres copains, après, plus tard, écoutaient des groupes très bruyants. Moi, c'était pas possible, quoi. Moi, ça me foutait des acouphènes tout de suite, et voire même des crises d'angoisse. Et je comprenais pas qu'on puisse écouter des trucs pareils, alors que Satanic Surfer, n'importe quoi. Alors que tout était dit avec une guitare nylon, deux cœurs qui font pam. Et je me disais, voilà, pourquoi chercher plus loin? Juste d'abord écrivez des bonnes chansons, les gars. Cinquième morceau de votre liste, Thomas Boudinot, Pascal Comelade. Pascal Comelade, sans doute un des rares musiciens français à avoir réussi ce syncrétisme incroyable entre la musique pop, le folklore et l'esprit rock. C'est vrai que ça reste quand même une référence complètement méconnue en France, mais ça reste quand même une référence de la musique hexagonale. Quelqu'un qui vous a marqué à ce point de le mettre dans cette liste de 10 morceaux? Oh oui. Pascal Comelade, ouais, c'est pareil, je crois que le disque, je l'ai trouvé, je commençais à être plus grand, j'avais 17 ans, et je traînais beaucoup à la médiathèque où travaillait ma mère, et là je fouillais tous les rayons, hop, je trouvais des disques, et je prenais un peu au hasard, et là je tombe sur cette pochette, je connaissais pas du tout, et je l'ai pris pour la pochette, pochette rouge, une Lisbonne, et je rentre à la maison, et ouais, alors c'était cette chanson-là, L'argot du bruit, mais jouée en live, dans un live à Barcelone, et là je découvre un univers génial d'instruments jouets, et puis surtout de mélodies extrêmement mélancoliques, mais d'une mélancolie un peu joueuse, joyeuse, maligne, intelligente, comme ces vieilles grand-mères du catalane là qu'on croise dans le Roussillon. Voilà, cette espèce de truc hyper malicieux, hyper joueur, et en même temps une grande mélancolie. Je sais pas, ça me parle tout de suite. Je sais pas si c'est le fait qu'on ait beaucoup traîné avec ma mère dans ces coins-là quand j'étais petit. On allait à Canet-Plage et tout, et tous ces paysages, moi, ça me... À la fois, ça me plaisait, à la fois, ça me foutait le bourdon, je sais pas. Et non, Comelade, il me parle tout de suite, parce qu'il me dit... déjà, c'est des musiques avec beaucoup de vent, beaucoup de cuivre, trompette, mélodica, tout ça. Et puis, ouais, on sent une pratique du groupe qui est avant tout là pour se marrer, pour s'amuser. Et en même temps, c'est un peu rock'n'roll. L'esthétique est là, mais on sent que c'est pas... la préoccupation principale, ou ce n'est pas une esthétique snob. Et puis surtout, je trouve que c'est une musique maligne comme tout. Enfin, ça me plaît, quoi. Et donc, pour en revenir toujours à ce truc-là, moi, mes copains écoutaient vraiment des musiques qui me rendaient extrêmement triste et anxieux. Et donc, moi, quand j'écoutais ça, je me disais, mais c'est de la lumière. Là, c'est la lumière est là, quoi. Et donc, en soirée, c'était des vrais battles parce que écouter comme là dans soirée, il fallait être courageux. Ah, mais oui, il fallait être courageux pour le mettre, le proposer. J'en ai pas passé beaucoup. Et pourtant, il avait un nom de groupe absolument fabuleux, le Bel Canto Orchestra. C'est génial. Quel nom de groupe incroyable! In my solitude, you haunt me. With revelries of days gone by, in my wanted to. You taught me with memories. Peut-être petite incursion dans le jazz pour une liste qui est plutôt marquée jusqu'à présent par le rock et la pop. Billie Holiday, Solitude. Le jazz que vous découvrez grâce au trombone, et après vous nous parlerez peut-être de ce morceau. Si j'ai découvert le jazz au trombone, ouais. Ouais. En jouant en big band, mais bizarrement, j'écoutais pas beaucoup de jazz, je crois. Peut-être quelques morceaux de Louis Armstrong ou des choses comme ça, mais je crois que j'avais pas encore identifié. Et pourtant, ma mère, je reviens toujours à maman du Tarn, ma mère a participé à la programmation parce que je crois qu'elle sortait à l'époque avec le programmateur de Albi Jazz Festival. Mmh. Et du coup, quand j'étais petit, elle me traînait dans des concerts de jazz de fou. Donc je pense que j'ai vu Art Blakey en concert peu avant sa mort. Je sais pas exactement qui j'ai vu, j'en avais aucune conscience en fait. Et par contre, je voyais ces instruments briller dans la nuit, briller sur scène, tout ça, et je me disais, mais waouh, mais quelle énergie de fou quoi. Et ce morceau, je l'ai découvert dans un documentaire sur Paul Auster. Mmh. J'avais 17 ans, et voilà, il y avait un documentaire à la télé sur Arte, je pense, sur la 7, sur Paul Auster, et on voyait Paul Auster marcher dans les rues de New York, comme ça. Ouais, ça devait être à l'époque de la trilogie, c'est ça ? Ouais, époque trilogie. Et de sa trilogie new-yorkaise. Tout prend sens, quoi. Je me dis, mais oui, mais de toute façon, moi, j'ai toujours été un détective privé. et effectivement, là, on est là, dans cette atmosphère-là, et ça illustrait très bien ce documentaire sur Paul Auster. Et j'adore cette chanson. Et cette partie de la musique, le jazz, qui a influencé votre travail de compositeur de chansons pop ou pas du tout ? Très peu, en fait. Trop peu. Il va falloir que je commence à faire cohabiter tout ça. Mais non, c'est marrant parce que pas tant que ça, ni même à la composition, ni même dans les arrangements. Mais peut-être que jusque-là, j'étais un peu trop agrippé aux manches de la guitare que j'ai appris donc tard, sur le tard. Mais à la chanson elle-même, et qu'il est temps d'ouvrir tout ça et de faire coexister tout ça. Mais pour ça, il faut aussi trouver sa bande de musiciens, de camarades. Et j'ai pas la sensation de l'avoir trouvé, ou du moins, depuis la disparition des Hidden Tracks, je ne l'ai plus. Mmh. Justement, parlons-en des Hidden Tracks. C'est vrai que c'était plutôt un groupe pop-rock, même avec des traces de folk, mais c'est vrai que les arrangements des sections de cuivre n'ont rien à voir avec des arrangements d'un big band. Quel souvenir vous gardez de cette époque où vous avez quand même enregistré pas mal de musique sur CD, mais enchaîné aussi les concerts, puisque Angile a été quand même un des artistes phares des années 2000. On a fait pas mal de concerts dont j'ai d'immenses souvenirs, avec notamment mon camarade à la trompette et au violon, Jean-Christophe. Il y avait aussi un camarade au saxophone et à la clarinette, qui s'est mis à la clarinette basse. C'est une chance que j'espère pouvoir réavoir un jour. Mais c'est marrant parce que quand je parle comme ça, j'ai l'impression d'avoir la voix de Michael Motté, le chanteur d'Angile. Mais une espèce de chance que j'aimerais bien avoir un jour à nouveau, j'espère. Mais aussi, je ne l'ai pas, ben tant pis, parce que je l'ai déjà eu. C'est qu'on improvisait les arrangements en direct sur scène. On s'entendait, on s'écoutait à ce niveau-là. Les chansons de Michael étaient tellement ouvertes et nous laisser une telle possibilité de faire. Je pense qu'on a permis aussi à Michael de vivre son fantasme d'avoir un soft machine ou d'avoir un groupe. Ça doit être incroyable, quoi, de laisser ces musiciens comme ça libres, et il nous a laissé cette liberté. Et ça, c'était génial. Il y a eu des concerts où on a fait des couleurs mais incroyables, où on savait exactement la note qu'allait jouer l'autre, on se connaissait, alors que rien n'était écrit. C'était vraiment de l'impro. On a fait quelques concerts un peu foutraques aussi. Hidden Tracks, c'est quoi ? C'est 6-7 ans ? Ouais, ça va faire 10 ans maintenant. Non, mais c'est une aventure qui a duré 6-7 ans. Oui, ça s'est terminé en 2014. Donc ça va bientôt faire 10 ans. Mais c'est une aventure qui a duré combien? Ouais, ça commence en 2005 pour moi, ça commence en 2005. Ah ouais, alors 10 ans quand même. Et ouais, quasiment. Quasiment 10 ans, ouais. Ouais. C'est... Et à ce moment-là, vous n'êtes que dans ce groupe-là. Je disais qu'en même temps, vous travailliez comme disquaire ou comme alors attaché de presse ou je ne sais pas quoi, dans une galerie d'art contemporain. C'était que The Hidden Tracks, le côté je vais composer, je vais faire de la musique, c'était, vous en étiez pas encore là? Non, j'avais écrit quelques chansons en français, comme vous l'aviez dit dans l'intro. Mmh. Mais c'était tellement, j'étais tellement écartelé entre schizophrénique, je crois que tu disais, que entre la chanson française et des choses beaucoup plus folk et beaucoup plus profondes qui me touchait plus, que j'arrivais pas, je montais sur scène, je chantais mes chansons, alors il y avait des gens qui rigolaient parce que c'était des chansons rigolotes, d'autres qui me disaient mais ça va pas d'écrire des chansons pareilles, machin, et puis moi je me disais mais je sais pas, j'ai envie de faire rire, mais j'ai aussi envie de faire pleurer, enfin j'ai envie que tout ça cohabite, et en même temps je me suis jamais retrouvé, et toujours pas aujourd'hui, dans la chanson française, comme on dit, ou dans l'univers français, quoi. Oui, donc vous n'étiez pas encore arrivé à non, vous dire rangé, que j'ai monté un répertoire. J'avais rangé ma guitare dans son étui et j'ai ressorti mon trombone de ses coulisses. Ah. Et du coup, je rencontre Angile à Toulouse grâce à Gérald Guibaud, qui est assis à côté de moi, du label We Are Enic Records. Et, j'ai d'abord rencontré Michael avant de rencontrer Gérald. Et non, là, j'ai compris que... Être interprète, c'était aussi génial. Mmh. Et que mon trombone, voilà, je pouvais être au service de quelqu'un qui écrivait très bien en anglais, certes, mais personne n'est parfait. Oui, puisque Angile and the Hidden Tracks avait signé sur ce label toulousain We Are Enic Records qui existe toujours et qui s'occupe de vos derniers albums, si je me souviens bien. Oui. Thomas le Flegmatique. Et des premiers. Et des premiers aussi. Allez, prochain morceau. I'm walking through streets that are dead, walking with you in my head. My feet are so tired, my brain is so wired. Il traîne dans cette liste depuis le début de l'émission. L'ombre tutélaire de Dylan plane par là. Vous l'avez déjà évoqué 2-3 fois. Cette fois, on y est dedans. Bob Dylan sur un morceau qui de la fin des années 90. Ouais. Love Sick, ouais. Sur l'album Time Out of Mind, un album qui pète la tête, littéralement. J'ai 17 ans, je suis chez mon père rentre, on est à Toulouse là, mon père rentre de la FNAC, il vient de s'acheter le nouvel album de Dylan, moi Dylan j'en ai rien à cirer, je connais pas, et je suis dans ma chambre en train de, je sais pas, de faire mes cours ou quoi, de bosser quoi, j'étais en première, et il met le disque, et il y a ce son qui sort, que j'entends, qui vient me choper là depuis sous la porte de ma chambre, et qui vient m'attraper comme des espèces de fantômes ou de brume électrique, là. Et deux secondes plus tard, je suis dans le salon, j'écoute ça, je monte le son, je fais « Mais c'est quoi ça, ce son ?» Et pour moi, c'est un vrai... on se croirait à la guerre de sécession, on ne comprend pas à quelle époque on est, enfin, c'est cryptique, quoi. Avec cette voix d'outre-tombe. Une voix d'outre-tombe... complètement éraillé, pareil, il y a cette espèce de côté un peu cabaret, cette orgue derrière qui plane, on dirait que le morceau est habité, que tout l'album est habité par des fantômes, et je me suis dit c'est le son du futur, c'est pas possible, c'est génial, c'est le son le plus vieux et le plus nouveau du monde, quoi. C'est... Et du coup, vous lancez dans l'exploration des Dylan d'avant? Pas du tout. J'ai dû écouter, j'ai vraiment découvert Dylan tard, à 35 ans, en 2015. Jusque-là, j'écoutais un ou deux morceaux comme ça en me disant « c'est pas mal ce qu'il fait ce mec, ok ». C'est vrai que jusqu'à présent, on a l'impression que ce qui vous intéresse dans la musique, c'est la façon dont elle vous happe. Et ce côté, viens, celle-là, elle est pour toi. Oui, ouais. En fait, je crois que je me suis toujours posé la question. Je me pose toujours un peu la question, qu'est-ce que je vais faire de ça, en fait. Ok, d'accord, j'aime bien écouter ça, mais qu'est-ce que je fais de ça? Alors, il y a des trucs qu'on écoute comme ça, juste pour danser ou pour faire la fête ou machin. Mais moi, il y a toujours une espèce d'appel qui me dit, et toi, si là, tu avais un orgue comme ça, là, qu'est-ce que tu ferais? Qu'est-ce que tu écrirais? Cette émotion-là, t'en ferais quoi? Et si ça, c'était la direction, essaye de faire cette musique-là pendant un temps. Et puis, si ça te plaît pas, tu changeras. Mais... Dans votre façon de composer, c'est... vous êtes une éponge, vous absorbez tout ce que vous écoutez, ce que vous avez écouté, pour essayer de le ressortir avec votre patte? Ouais, un peu, mais je suis une éponge très lente, et très lente à ressortir les choses que j'absorbe. Donc, en général, quand l'éponge a repris sa capacité à éponger, j'ai pas forcément enregistré les trucs que j'aurais dû faire. Mais en tout cas, ouais, je me projette beaucoup dans les choses que j'écoute, et même dans les concerts, ou même au musée. Les expos, les trucs, au bout de 20 minutes, si c'est bon, je suis lessivé. Parce qu'en fait, ça a tellement fait travailler mon truc, et ça me questionne tellement, je veux rentrer chez moi à l'atelier pour travailler. Ah. I look her in the eyes, never tell the truth. If she knows your paper, you know she'll have to burn you. Never tell one you want that you do. Save it for the deathbed when you know you kept her wanting you. And do everything she never do. On repart du côté des États-Unis avec Fégon Irès, puisqu'on était avec Dylan il y a 2 minutes, et là on est avec The National, qui à un moment donné était soi-disant le groupe préféré de Barack Obama. Il avait dit ça dans une interview. Et ils ont fait, en fait, The National a ouvert pour Barack Obama pendant ces deux campagnes. C'était The Band of Barack. C'était la classe. The National, c'est quoi? C'est la voix, c'est... Ouais, la voix. Et puis surtout, à ce moment-là, donc on est en 2002, je crois, je n'écoutais quasiment, j'étais en grosse crise obsessionnelle de Radiohead. Il y avait Kid A qui était sorti, évidemment, il y a quelques années, tout, Hell to the Thief, tout ça, machin. J'écoutais des trucs un peu compliqués comme ça, et je ne le savais pas encore avant que ce disque ne sorte, mais j'avais besoin de revenir à un truc un peu plus... un rock de mecs de 30 ans, je crois qu'ils ont la trentaine quand cet album sort, le deuxième album de The National, qui n'ont rien à prouver, qui sont pas là pour prouver que c'est des musiciens fous, et une voix, et tout d'un coup on réexplore la musique américaine et toutes les ambivalences, les ambiguïtés de l'âme des New Yorkais un peu perturbés et un peu paumés, quoi. Et c'est magnifique. Quelque chose que vous continuez à écouter? Oui, même si les derniers albums des The National m'ont laissé un peu sur le côté, mais j'ai tellement écouté les premiers que je leur en veux pas, et puis on vieillit, c'est comme ça, on fait autre chose, quoi. On a l'évolution qu'on peut. She lay beside me like a branch from a tender willow tree. I was as still as a river could be. When a rope calls. on continue avec les États-Unis et c'est peut-être avec ce morceau-là qu'on va peut-être entamer et orienter cette discussion sur votre travail de compositeur. Bin Callahan, artiste, guitariste, chanteur, je ne vais pas raconter le nombre de groupes qu'il a monté. On le retrouve dans une dizaine de groupes différents, sous différents noms, différents patronymes. Bin Callahan, c'est quelqu'un qui vous a ouvert le champ de l'écriture et de la composition. Ouais, j'étais en voiture avec mon copain Gilles Delesse, alias Lunt. On allait enregistrer, on partait à Brive, Châteauroux, je sais plus, dans la Pampa, déglingué là-bas, enregistrer cet album de musique improvisée dont tu as parlé en introduction. Et il me met cet album de Bin Callahan. Alors moi, je connaissais pas du tout, mais je connaissais pas rien à la folk actuelle ou au truc. J'étais ni hype ni loser, donc je connaissais rien, tout ça, c'est tout. Et il me fait écouter ça, et là je fais waouh, c'est qui ça, c'est quoi ça? Et surtout, voilà, Callahan m'a dit, en gros, même si je ne l'ai jamais rencontré, mais il m'a mis la main sur l'épaule, une main tutélaire un peu, en me disant tu peux faire mourir les gens de rire et les faire tomber à genoux et en larmes dans la même phrase. Alors fais-le. Et ça, c'est ce que vous cherchiez depuis le début. En fait, c'était ce que je cherchais. Et je me suis dit, ok, d'accord, c'est possible. Donc ok, alors c'est parti. Je m'y remets, je m'y recolle. Allez, on y va. Et donc ça, c'était au milieu des années 2000. Ouais, au milieu des années 2000. Mais je suis un tardif. Donc j'ai une mis dizaine 10 ans d'années pour faire mon premier un répertoire. C'est ça. Avec une volonté de faire rire et pleurer. Mais il y a cette façon de raconter des histoires, mais de raconter surtout le temps qui passe. Vos chansons, c'est quand même des chansons qui racontent ça sur des micro-faits. Ça raconte le temps qui passe. Ouais, j'essaie de m'intéresser ou de capter mes propres petites angoisses et de voir ce qu'il peut y avoir d'universel en elles, mais en partant du tout petit. Vraiment voilà, de la petite angoisse, de la petite pensée qui vous traverse comme ça. J'essaie de la choper, de la garder et de la faire grossir et de voir un peu ce qui se passe. Bon, ce jeu-là a ses limites aussi, mais je crois que c'était un peu ce qu'il y avait à l'origine de ça, pour essayer d'en faire quelque chose d'un peu... qu'est-ce que j'ai à raconter là-dedans, et d'ouvrir l'univers, quoi, d'ouvrir cette atmosphère. Ouais. Vous écrivez depuis un moment, mais vous sortez des albums sous votre propre nom depuis 2015 à peu près, donc 10 ans de, j'allais dire, de solo, même si vous êtes en groupe, c'est vous qui portez le répertoire. C'est de plus en plus facile pour écrire, ou ça reste très compliqué? Et quand vous en parlez, on sent vraiment que vous vous tordez les tripes pour que ça arrive. Je sais pas. Il y a des chansons qui sont venues très rapidement, d'autres plus longues. Non, là, ce qui me torture en ce moment... Alors, j'ai pas écrit de chansons depuis un moment, là. Depuis la sortie du disque, quasiment. Ce qui me torture en ce moment, c'est le... Bizarrement, c'est la forme sur scène. J'ai pas trouvé encore. Les dernières fois qu'on a pu vous voir à Toulouse, vous étiez seul avec la guitare. Ouais. On a pu vous voir en groupe aussi, précédemment. Un peu. Ouais. Mais rien qui m'ait totalement convaincu. J'ai pas trouvé encore. Je cherche. It's not the red of the dying sun, the morning sheet's surprising stain. It's not the red of which we bleed. A red of Cabernet Sauvignon, a world of ruby, all in vain. It's not. C'est presque la fin de l'émission. Thomas, deux, trois mots sur ce chanteur, moi, que personnellement, je ne connaissais pas. Einsturnzende Neubatten. Vous comprenez pourquoi je vous ai laissé le soin de dire merci, le nom. Merci, Joe. Ouais, alors, c'est Blixa Bargall, c'est un chanteur qui joue, qui a une longue carrière, déjà, avec Nick Cave, notamment, tout ça. qui continue à être actif. Il aime bien dire qu'aujourd'hui il est nouveau, il est neuf, il doit avoir 60 ans aujourd'hui, et là on est dans une exigence de forme, de fond évidemment, mais de forme aussi, qui m'interpelle et m'intéresse particulièrement. Je les ai vus en concert il y a quelques temps, c'était un des plus beaux, meilleurs concerts que j'ai eu de ma vie. Eux aussi traficotent leurs instruments un peu comme Tom White et tout ça. Ils sont très connus pour ça. Ils n'auraient même pas besoin de le faire, même s'ils se sont fait connaître comme ça, parce que leur musique est... J'aime bien parce que c'est une musique taillée dans la basse. C'est vraiment la basse qui fait le job, qui est percussive, qui... Et lui, son chant se pose par-dessus, presque un peu récitatif. Et on sent qu'il y a une histoire qui se raconte, qui est là, et qui est entre les mots aussi. C'est très... On est dans le théâtre, on est près de Brecht aussi et de l'Allemagne des années 30. Tout est là et c'est, à mon avis, une musique encore terriblement actuelle pour de nombreuses années. Et c'est avec ce morceau-là qu'on va achever votre liste, Thomas Boudinot. Je le disais, un album est sorti cet automne. On vous voit un peu sur scène, mais peut-être pas assez comme on pourrait l'espérer. On vous a vu à Toulouse, je crois que c'était en décembre ou en novembre. Pour le moment, il n'y a pas de date prévue ici. Il y en a quelques-unes dans la région. Ce qui est sûr, c'est qu'on aura sans doute compris comment vous en êtes arrivé à faire votre répertoire, je le disais en début d'émission, une certaine nonchalance qui se dégage de votre chant, mais avec aussi une clarté sombre ou une sombre luminescence. Vous le prenez dans le sens que vous voulez, mais c'est vrai qu'on est dans cet esprit-là, et en écoutant la liste que vous venez de nous présenter, on aura compris un peu comme ces carambolages se sont faits pour arriver à ce que vous proposez en ce moment. Et pour ça, merci beaucoup, et merci d'avoir accepté notre invitation. À vous revoir très vite sur scène. Je pense que ça ne saurait quand même tarder. Nous, on va se dire au revoir. Merci à Thomas Delafosse pour la réalisation de cette émission. Merci à Loïc Laporte pour la composition du générique original de cette liste qui nous accompagne depuis maintenant 3 ans. Et merci à vous de nous avoir écoutés. Et on se retrouve très vite avec une nouvelle liste. Merci beaucoup, Thomas. Merci. I wish this would be your coming. I wish this would be your coming. I wish this would be your coming. I wish this would be your coming. I wish this would be your coming.